Alors voilà, là c'est en vert, je transmets, tu devrais peut-être entendre ma basse. T'entends même pas le clic? Bah moi il défile en bas de l'écran. Et comment t'as fait? Ok, en bas de l'écran. Eh bah tu vois, je l'ai plus moi ça. Ah si, je l'ai. Ok, je vais essayer de mettre, je sais pas, sur 80. On dirait que je t'entends là maintenant dans le casque. Ça y est, je Ouais, t'entends mais là. alors faut que tu actives ton micro On peut-être. parle par le Est-ce Jamie que tu Cabas. vois le bouton transmettre là? Il est à quelle couleur en bas? Ok. Faut que j'active quoi? Non, si il est vert, c'est que tu Ah ouais, transmets. il est vert. Et quand tu parles, est-ce que tu vois le diagramme qui bouge? En fait, il met super longtemps à changer les infos du métronome, c'est pour ça. Pour l'instant, je ne t'entends pas. Vas-y, joue. Faut que je clique dessus. Est-ce que tu vois le diagramme qui bouge? Attends, je monte un peu le dB. En fait, il met super longtemps à changer les infos du métronome, c'est pour ça. Ah ouais. Pour l'instant, je ne t'entends Ouais, pas. bah je dis rien. J'entends les phrases que j'ai dit à chaque fois. Ah, mais j'entends deux voix, c'est bizarre. Une parle blessée, une parle. Ah, ok, vas-y, j'essaye d'éteindre le téléphone. Ouais, ça marche, on va essayer. Ok. Alors, Mickaël, est-ce que tu m'entends? Et j'entends les phrases que j'ai dit à je sais pas combien de temps. Dans l'écouteur. Éteindre le téléphone? Ouais, ça marche, on va essayer. J'entends, faut que je clique dessus là. Allô? Oula putain, j'entends ce que t'as dit il y a super longtemps. Alors, c'est bon là, tu m'entends? Une semaine Est-ce que tu après, putain. m'entends? Attends, putain. Ah, j'entends le téléphone qui s'éteint. Ouais. Oh, il y a une réverbe. Je t'entends bien. Allô, allô? C'est trop drôle, il y a à peu près 1 minute de latence, quoi. Ouais, c'est ça aussi, moi j'entendais des phrases que j'avais dit avant. C'est pas gagné, hein? Bon. Alors, on va sortir de Ah non, ce... c'est bien. Ouais. Allô?